Les gens parlent d'amour, moi je te parle de ce que je connais pas. Et gros, ils se foutaient de moi quand mon téléphone sonnait pas. Dès le départ, y'a un problème. Comme l'a dit Sabrina, les erreurs d'une relation sont à la base grammaticale. Arrête de me demander, nec, ça va comment les amours? Ça fait déjà quelques années que je te réponds, va te faire foutre. Comment apprécier l'amour quand tu le vois faire la putain? En plus, quand je lui ai parlé, il m'a dit reviens plus tard. Ce bâtard m'a craché dessus, c'est dans la gueule que j'ai pris le molar. En plus de nos jours, l'amour ça vaut plus rien comme le dollar. L'amour m'a braqué, m'a dit, regarde la sortir avec Maxime. Je pouvais rien faire, juste lire ses emails de gamine. Je comprends même pas ce qu'il avait de plus. Je me sentais seul et affaibli. J'ai sûrement pas la bonne tête et pas non plus le corps athlétique. L'amour m'a tué écrit sur un vieux mur au marqueur. C'est triste quand une meuf me parle, j'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule. Les gens parlent d'amour, moi je te parle de ce que je connais pas. Elles ont pas pris en cours que l'amour ne se clonait pas. Je sais très bien que dans ma tête je devrais pas généraliser. Dès le départ je les pénalise et au final j'ai rien réalisé. En plus je suis difficile, souvent c'est elle qui me chasse. Je peux pas sortir avec une pute, donc forcément j'aurais dû mes chances. Nicole comparé au foot, moi on m'a pas fait de passe. L'amour j'ai arrêté d'y croire quand j'ai vu la souffrance de Max. L'amour m'a tué, je l'écris avec une faute d'orthographe. Mauvais concept pour pas grand chose, on sent une douleur dans le thorax. Défaitiste, c'est l'ego sur le trottoir que je vais draguer. C'est plus facile mais ça m'empêche de m'attacher. La dépendance sentimentale m'empêche de vivre sans tracas. Certains s'amusent et cassent des vitres, les meufs c'est nos cœurs qu'elles fracassent. Si l'amour revient me chercher, dis-lui que je veux plus le voir. Que j'en ai marre de ces faux espoirs, que je me ferai pas avoir deux fois. Les gens parlent d'amour, moi tu sais je le connais pas. Pour plus avoir le cœur brisé, je fais semblant que j'en ai pas. Tu sais je vais pas mentir, j'avoue j'ai pris des recals sévères et j'arrive pas à me contrôler quand mon cœur s'énerve. Dans le scénario de ma vie l'amour meurt à la fin du film. Quand je l'appelle y'a qu'une tonalité, jamais de voix au bout du fil. Je suis jaloux parce que j'aime pas qu'on touche ma protégée. Quand je t'exprime ce que je ressens, c'est d'un pro, je te jure. L'amour m'a tué écrit sur un mur avec le sang de mon cœur. Si tu veux on reste amis, moi cette phrase m'écœure. L'amour moi j'y crois plus, sentimentalement athée. Moi quand j'aime c'est sur la durée, comme en athlée. L'amour ça rime pas qu'avec toujours. Arrête-toi, d'après ce que j'ai vécu ça rime aussi avec 3 jours. Si je pouvais changer mon cœur contre n'importe quoi je le troquerais. Sur ce je te laisse avec un arrière-goût de regret. I can't stop memories of you, can't stop.